Chapitre 69. La recommandation de s'isoler si les gens et l'époque sont corrompus ou par crainte d'être éprouvés dans sa religion ou de commettre des péchés. Allah Ta'ala dit: fuyez donc vers Allah. Moi, je suis pour vous de sa part un avertisseur explicite. Sourate 51, verset 50. 597. Sa'd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, rapporte qu'il entendit le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dire: Allah aime l'adorateur pieux qui est riche de cœur et discret. Muslim. 598. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, un homme interrogea le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam: quel est le meilleur des hommes, ô messager d'Allah? Il répondit: le croyant qui combat corps et biens pour la cause d'Allah. L'homme ajouta: et ensuite? Il dit: puis l'homme qui se retire dans un sentier de montagne pour adorer son Seigneur. Dans une autre version: celui qui craint Allah et préserve les gens de son propre mal. Al-Bukhari et Muslim. 599. Selon Abu Sa'id al-Khudri, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: peu s'en faut que la meilleure chose que possède un musulman soit un troupeau de moutons qu'il mène paître au sommet des montagnes et sur les terres arrosées, fuyant ainsi les troubles pour protéger sa religion. Al-Bukhari. 600. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit: tous les prophètes envoyés par Allah ont gardé les moutons. Ses compagnons lui dirent: et toi? Il répondit, alayhi salatu wassalam: moi aussi, j'ai gardé les moutons pour les Mekkois contre quelques pièces de monnaie. Al-Bukhari. 601. Selon Abu Huraira, radiallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit: la meilleure vie est celle d'un homme qui saisit les rênes de son cheval dans le sentier d'Allah pour le djihad, s'élançant au galop chaque fois qu'il entend l'appel à la guerre et désirant mourir en martyr, ou bien celle d'un homme qui se retire avec quelques moutons au sommet de l'une de ses montagnes ou au cœur de l'une de ses vallées. Il accomplit la salat, s'acquitte de la zakat et ne cesse d'adorer son Seigneur jusqu'à ce que lui vienne la certitude, la mort, et ne côtoie les gens que pour faire le bien. Muslim.